LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide, dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 7, les combattants sans gloire. C'est l'histoire de deux amis qui ne veulent plus combattre. Nicolas Saline et Igor Kovalchuk se rencontrent en Afghanistan. Ils sont prisonniers de guerre le jour où Victor Loupane s'entretient avec eux à l'occasion d'un reportage pour la télévision française. Si le discours de paix rivalise à l'ouest comme à l'est, si la guerre froide semble raconter une guerre sans combat, elle commence et se termine par deux conflits de grande ampleur qui n'ont toujours pas trouvé leur résolution aujourd'hui. C'est d'abord la guerre de Corée qui éclate en 1950 et laisse en 1953 un pays divisé entre un nord communiste et un sud occidentalisé et capitaliste. Et puis à l'autre bout de l'histoire de la guerre froide, il y a cette guerre d'Afghanistan, de 1979 à 1989, une guerre dont l'histoire et la mémoire sont encore déterminantes dans l'ordre géopolitique mondial actuel. L'Union soviétique y perd son économie et la confiance des familles, tandis que les États-Unis y sèment le théâtre d'opérations et l'arsenal qui le taraude encore aujourd'hui. Nicolas et Igor collent presque trop bien à l'image que l'on veut montrer de ce conflit à l'ouest du mur de Berlin. Ce qui frappe, c'est d'abord leur extrême maigreur, avant même qu'ils ne racontent leur guerre. Bonjour mes chers, je vous parle d'Afghanistan. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis vivant et en bonne santé, et je vous dis un grand bonjour. Je ne sais pas ce que vous ont dit les autorités. Elles vous ont peut-être dit que j'étais un bandit, un assassin. Je ne sais pas ce qu'elles ont encore pu vous dire. Sachez seulement que je ne vous ai jamais trahi, que je vous aime, Michel, que je vous aimerai toujours. Si jamais j'avais la moindre occasion, je vous écrirais sans faute. Mais pour le moment, rien de tel ne s'est encore présenté. Je ne veux pas faire la guerre, je ne veux pas verser le sang. Et maintenant, recevez mon grand bonjour. Deux ans plus tard, en 1987, on les redécouvre au Canada. Deux gaillards transfigurés dans la sécurité de leur refuge. La guerre froide, c'est un conflit particulier dans lequel les deux principaux protagonistes et la poignée de protagonistes secondaires qui les accompagnent ne se font pas la guerre directement. Alexandre Riosbord est historien, spécialiste de l'appareil d'État états-unien. Et donc on a cette idée d'une guerre sans guerre. Alors il faut dire immédiatement que c'est une guerre sans guerre pour ses principaux protagonistes. En revanche, c'est une période de conflit pour beaucoup d'autres nations et pour beaucoup d'autres sociétés, pour des populations qui, elles, vont être, en partie pour des raisons liées à la guerre froide, parfois très directement pour des raisons de guerre froide, plongées dans des conflits. Donc c'est une guerre sans guerre dans le monde de l'Atlantique Nord, mais c'est une guerre avec guerre dans l'essentiel du reste du monde, en tout cas beaucoup en Afrique et en Asie. Donc pour des centaines de milliers, des millions de gens, la guerre froide, c'est une période de guerre intense qui provoque des conflits. Le 27 décembre 1979, les unités spéciales du KGB débarquent à Kaboul pour soutenir les communistes afghans dans une guerre civile qui oppose les nationalistes aux moudjahidines. Les États-Unis soutiennent cette opposition. Nicolas Saline et Igor Kovalchuk en 1985. Au bureau de recrutement, il y avait le colonel Antonian et sa fille qui se shootait et qui baisait avec un de mes potes. Une fois, elle dit « Bon, c'est ok ton copain, qu'il me file 1000 roubles et je baratirai mon père. » Alors, je rentre à la maison et j'explique le coût des 1000 roubles à mon père. Il dit « D'accord ». Il s'habille pour aller à la caisse d'épargne et voilà que ma mère se met en travers de la porte. « Non, quelle gueule, fais pas ça, connard, il faut qu'il aille à l'armée. » Mais plus tard, quand je lui ai téléphoné pour la première fois d'Ashgabad, putain, alors tu auras entendu ces hurlements. Tu te rappelles des 1000 roubles? Il fallait me les donner, vieille conne. Elle me demande, tu vas aller où? En Afghanistan. On nous a embarqués sur des camions. Là-bas, on nous a dit, il faut aller combattre les Américains. Moi, quand j'ai reçu la convocation, je travaillais à l'usine comme électro. Tout de suite, je me suis présenté au bureau de recrutement. Et tu savais où on allait t'envoyer? Non. Je savais rien. Comment pouvais-je savoir? On nous a rassemblés et on nous a d'abord envoyés à Koubitchev. Et puis après, à Tashkent. C'est là qu'on a prêté serment. Et si je venais à parjurer ce serment solennel, que je sois frappé par le poids de la loi soviétique, le mépris des travailleurs et la haine universelle. Le premier conflit de grande ampleur lié à la guerre froide avait commencé très vite, dans un monde qui se remettait encore péniblement de la Seconde Guerre mondiale. C'était en 1950 et c'était en Corée. La guerre de Corée, c'est presque l'archétype de ce qu'on imaginait comme conflit secondaire dans la guerre froide. En fait, il n'y en a pas tant que ça qui correspondent à ce modèle-là. Alexandre Riosbord. Celle-là est archétypale, alors avec un investissement des deux acteurs, un investissement asymétrique. Les États-Unis sont sur le terrain, les Soviétiques n'y sont pas directement, ou alors de manière assez discrète. Ils livrent des matériaux. C'est les Chinois qui interviennent le plus directement. Et encore, officiellement, c'est une guerre coréenne. Donc on a bien cette nature de la guerre froide qui fait que les deux adversaires ne s'affrontent pas directement. L'un est là, mais pas l'autre. Mais même dans cette situation de Corée, les deux acteurs prennent garde de ne pas s'affronter directement. Dans les conflits de guerre froide spécifiquement, comme il ne faut pas en arriver du point de vue de l'un et de l'autre à un affrontement direct global, alors on est vraiment dans une discussion par les armes assez subtile qui consiste à faire ceci et pas cela pour ne pas monter au point d'intensité qui risquerait de provoquer une réaction qui entraînerait une réaction en chaîne vers autre chose. La plupart des conflits s'en tiennent à une implication indirecte des deux adversaires. La situation inverse sera l'Afghanistan. Les Russes sont directement impliqués sur le terrain, les Américains fortement impliqués dans l'aide aux adversaires des Soviétiques, à ceux qu'on appelle à l'époque les Mujahideen, combattants de la liberté. Mais les Américains prendront bien garde de ne pas intervenir sur le terrain. Toute la guerre froide, c'est un jeu de dialogue entre ce que l'on peut faire et ne pas faire. Des guerres entre 1947 et 1989, il y en a beaucoup. Entre les guerres civiles et les guerres de décolonisation, les conflits se multiplient. Autant de fronts qui demandent à se fournir en armes et en soutien politique. Ce que l'on peut dire, c'est que les enjeux de guerre froide vont avoir la fâcheuse tendance, si vous me passez l'expression, à se connecter à des conflits à toutes les échelles ou presque. Des conflits régionaux, des conflits locaux vont se teinter de guerre froide. Par une logique en fait assez simple, c'est que dès lors qu'il y a un conflit, et notamment dès lors que ce conflit implique un conflit armé, eh bien, la guerre froide offre l'opportunité aux belligérants de ce conflit de se tourner vers l'un ou vers l'autre. Et donc, de ce fait, la guerre froide a un impact sur les situations conflictuelles, les logiques conflictuelles durant cette période. Elle peut avoir, il faut le dire quand même si c'est le moins visible, même si c'est le moins spectaculaire et peut-être le moins fréquent, elle peut avoir un impact réduisant les conflits, conduisant à les éteindre ou au moins à les endormir lorsque la logique des blocs est contradictoire avec un conflit donné. Donc ça peut être un facteur d'ordre, paradoxalement, la guerre froide. Mais le plus souvent, ou en tout cas le plus spectaculairement, c'est le sens inverse, c'est-à-dire c'est un facteur de désordre, c'est un facteur de conflit, soit qui contribue au déclenchement d'un conflit, soit qui contribue à l'entretenir, à le faire durer, soit qui contribue à l'intensifier. Là aussi, par des logiques assez simples. C'est le cas des conflits décoloniaux, par exemple, ou des conflits post-décolonisation. Pensez à l'Angola, par exemple. L'intervention des puissances en Angola transforme ce qui aurait été une guerre civile locale en conflit extrêmement long, avec beaucoup d'interventions étrangères, sur presque une trentaine d'années. Et donc, le nombre de morts, l'impact sur la société, tout ça est décuplé par la situation de guerre froide, même si la guerre en Angola se poursuit après, pour des raisons. La guerre froide n'éteint pas à elle seule les logiques de rapport entre puissances. Vive Portugal, vive Angola indépendente. Dernière des colonies africaines à accéder à l'indépendance, il n'y aura plus un seul représentant militaire portugais sur le sol d'Angola le 10 novembre à minuit. Mais sur les trois mouvements de libération de l'Angola, seul le MPLA appuyé par les Russes est présent à Luanda. Ce sont eux qui, d'heure en heure, remplaceront les patrouilles portugaises au point stratégique de la ville. La guerre froide, ça va être, au moins dans les 30 premières années, un des moments hauts, un des moments d'âge d'or de la guerre de guérilla, de la guerre irrégulière, de la guerre dite que les militaires appellent la guerre asymétrique, dans le cadre des guerres de décolonisation, quand elles se colorent d'une teinte de guerre froide, comme c'est souvent le cas. Pensez à l'Indochine pour la France, à l'Indonésie pour les Pays-Bas, et bien d'autres conflits qui se mêlent de dynamiques de guerre froide immédiatement, en fait. Et dans ces conflits-là, c'est de la guerre de guérilla, de la guerre asymétrique, et puis autre type de conflit proche, en fait, et souvent les deux catégories se mêlent, ce sont des guerres, n'importe quel type de guerre civile, tous les types de guerre civile ou presque. Du coup, d'État, militaire qui dure quelques jours, à la guerre civile plus longue, quel que soit le motif sous-jacent à la guerre civile, la logique de guerre froide s'ingérant dedans, elle va intensifier le conflit, faire durer le conflit, l'élargir en général, etc. Good morning, Vietnam. This is the Dawn Buster. La grande rupture au sein de la guerre froide, c'est la guerre du Vietnam, dans les représentations et dans le rapport des sociétés occidentales à la guerre. Marjolaine Boutet est historienne et spécialiste des séries télévisées. C'est la seule guerre que les journalistes ont montrée vraiment sans filtre. Et encore une fois, comme la guerre du Vietnam n'avait pas été officiellement déclarée, les journalistes pouvaient se rendre au Vietnam en prenant des vols commerciaux. Alors, leur travail était quand même relativement contrôlé sur place, notamment pour avoir accès aux zones militaires et aux bases militaires. Mais malgré tout, dans Saïgon, ils pouvaient tourner et interviewer à peu près qui ils voulaient. Enfin, vraiment, c'est le seul exemple d'une telle liberté journalistique en zone de conflit. Et les images qu'ils ramènent, alors évidemment, la télévision américaine, elles sont quand même censurées pour la violence la plus graphique. Mais justement, donc, ce qu'on va voir pour la première fois, c'est la jeunesse des soldats, parce que au Vietnam, c'est quand même 19 ans la moyenne d'âge de ces soldats. Et puis le système de conscription américain fait que ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas fini le lycée, qui viennent vraiment des classes très très populaires. Et donc, enfin, évidemment, la guerre froide, ça leur passe complètement au-dessus. Le Vietnam et les Vietnamiens encore plus. Et on sent qu'ils sont totalement perdus, déboussolés. Et je crois que c'est ça qui, sans doute, choque le plus les familles qui voient ça. Et c'est aussi, on voit l'ennui, on voit l'absurdité de ces combats toujours recommencés. Et donc, on va représenter beaucoup plus le soldat comme fatigué, comme psychologiquement atteint et un peu désabusé de ce combat contre des forces qui sont, en plus dans les représentations américaines, enfin les Vietnamiens n'existent pas ou très peu, hein, on est encore dans, c'est la figure de l'Indien dans les westerns, c'est cette espèce d'ennemi sans individualité qui attaque à intervalles réguliers les colons, hein, on est vraiment encore dans cet imaginaire là qui est aussi un imaginaire évidemment racisé, hein, entre le camp du bien et le camp du mal, et donc tout ça rejoue et change je pense profondément le rapport à la guerre. Et dans les années 80, malgré tout, en tout cas Hollywood, le cinéma et puis un peu plus tard la télévision, va là encore réécrire cette guerre du Vietnam pour permettre aux États-Unis de reprendre confiance dans leurs forces armées. Et les anciens combattants du Vietnam donc commencent à envahir les grands et les petits écrans et ne sont plus des personnages traumatisés comme dans les années 70, mais sont au contraire des soldats qui ont appris quelque chose de leur expérience, de leur engagement, de leur du patriotisme, et qui rendent la société meilleure en lui rappelant les valeurs fondamentales traditionnelles de l'Amérique. On est dans les années Reagan et on est vraiment dans un retour de bâton par rapport aux hippies qui sont désormais rendus responsables des troubles que les États-Unis ont connus à la fin des années 60 et dans les années 70. C'est terminé, Johnny. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde. Igor Kovalchuk accepte de revoir les reporters français dans un hôtel de Toronto en 1987. Il y revoit aussi pour la première fois depuis un an son frère d'armes, Nicolas Salines. La guerre en Afghanistan est alors toujours en cours. Les officiers nous lançaient des trucs du style « Les Américains au Vietnam, ils faisaient des saloperies. Et nous aussi, on en fait ici. » Ils reconnaissaient directement. Ils ajoutaient « Et nous, on est meilleurs que les Américains ou quoi ?» Tu vois tout de suite, pire, meilleur, ni remords, ni aucune émotion. Combien des nôtres tombent là-bas ? Et puis nos officiers qui écrivent les faire part. Mort au devoir. Quel devoir ? Une guerre pure et simple. Et je pense, pourquoi ? Pourquoi cette horreur ? Pourquoi est-ce que je dois participer à tout ça ? Ce cauchemar, cette horreur. Ça engage aussi de drôles de situations dans l'après-guerre. Alexandre Riosbord. Des situations combattantes au retour dans les métropoles qui sont assez particulières, entourées de beaucoup de silence, parfois de mépris, parfois même d'agression. Hein. On le sait pour la guerre du Vietnam, pour les vétérans américains, les 2,5, 2,7 millions de vétérans américains qui reviennent aux États-Unis. Il y a les blessures, il y a les invalides de guerre, mais il y a aussi le fait que la société se à la fois est très critique lorsqu'ils rentrent, et en plus se détourne très vite de la question pour vite oublier cette guerre après 1974-1975. Et donc ils ont un peu l'impression d'être les héros d'une guerre dont tout le monde se fiche, qui est par ailleurs une guerre impopulaire. C'est l'exact symétrique de la guerre de 1945 à la situation précédente. Pensons symétriquement pour les soviétiques aux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Les soviétiques ont engagé plus de 600 000 soviétiques qui ont servi en Afghanistan. Il y a les morts, les blessés, les malades. Hein. 400 000 des soldats qui ont été engagés sur 600 000 ont connu des maladies assez graves sur place. Et puis surtout, on est les héros d'une guerre perdue par un système qui est en pleine déliquescence, qui 2 ans et demi plus tard finit par carrément disparaître. Et donc on est héros d'une nation qui n'existe plus. Et pendant quelques temps du moins, avant d'être récupéré par le régime poutinien, on est héros d'une guerre que plus personne ne regarde. Dis-moi franchement, Kazbek, comment tu vois ton avenir ? Oui, c'est une question plutôt difficile. Je pourrais pas te dire comment je vois mon avenir. Peut-être que je serai mort demain. Mais quel est ton rêve ? Ah, mon rêve ? Mon rêve serait d'avoir une maison. Une femme, je suis pas marié. Je suis célibataire. J'aimerais avoir une maison. Une femme, des enfants. Un travail. Travailler paisiblement. Me reposer à la maison comme tous les gens normaux. Je voudrais vivre dans une ambiance normale, avoir une vie normale, mais rien d'autre. C'est la fin, voilà, de ce mythe aussi du soldat viril. Marjolaine Boutet. Et il y a aussi, voilà, le mai 68 et le féminisme et l'évolution de la représentation des hommes qui sont affectés dans leur corps et dans leur esprit par l'expérience de guerre. Et donc, il y a vraiment ce refus jusque... encore une fois en caricature, hein, mais jusqu'à la guerre du Vietnam, aller faire la guerre, c'était devenir un homme, et on en sortait plus fort, et puis ça faisait partie du devoir, c'était quelque chose qu'on remettait pas en cause. À partir de la guerre du Vietnam, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est un sacrifice qui est d'abord un sacrifice personnel, et que les populations et les familles acceptent de moins en moins facilement. En Union soviétique, où l'information est étroitement contrôlée, les guerres traversent malgré tout les sociétés, qu'elles les observent ou qu'elles y combattent directement. En ce qui concerne le Vietnam, on va en parler en disant que c'est une guerre menée par les États-Unis dans un objectif impérialiste. Andrei Kozovoy est historien et spécialiste de la guerre froide côté soviétique. Et que l'Union soviétique a répondu à son devoir internationaliste en aidant le Vietnam du Nord et en soutenant la population contre les alliés sud-vietnamiens impérialistes et tout ce que vous voulez, qu'on va diaboliser aussi. Voilà. On va pas forcément rentrer dans le détail des offensives, etc., mais on va quand même évidemment présenter ce conflit de manière très manichéenne. On va le dépeindre en noir et blanc. Le lieutenant va voir le commandant et lui dit « Il faudrait que ces garçons reçoivent le baptême du sang ». Et le vieux con lui dit « Ok, vas-y, il y a justement un village d'une centaine d'habitants derrière les collines, alors allez faire votre putain d'opération là-bas ». Igor Kovalchuk, en 1985. À proximité du village, on s'est étalé en tirailleurs pour aborder les premières maisons. Tout allait bien et on s'est répartis comme ça devant. Alors, Polovinkin a fait « Bon, alors allez-y, putain !» Et mon copain Georges a défoncé la première porte à coups de pied. À peine est-il entré dans la baraque qu'il a reçu un coup de faucille dans le bide. Il a gueulé, ses tripes ont giclé. Quant au lieutenant Polovinkin, qui se planquait près de la fenêtre, il l'a défoncé à coups de crosse et s'est mis à arroser l'intérieur de balles. Puis on a jeté une grenade offensive. Plein de fumée. Alors, on s'est tous mis à tirer comme des fous par les ouvertures de la maison. Moi, j'essayais de sortir mon pote de là. Puis, quand on a regardé dans la maison, il y avait les restes d'une quinzaine de personnes. Plein d'enfants, du sang, de la bidoche, et puis la puanteur, une vraie boucherie. Et comme ça, d'une bicoque à l'eau. Merde, on s'en va de là comme sous, on ne piche plus rien comme des cons, personne ne parle, on se dit que bon, on a accompli notre mission, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc, sur le chemin du retour, personne ne parle. Il n'y a que les officiers qui n'arrêtent pas de jacter entre eux, comme si tout était normal. Mais pour nous, c'était la première fois, bordel. En ce qui concerne la guerre d'Afghanistan, Andrei Kozovoy. On va en parler très peu, très très peu. Parce qu'on va cacher, évidemment, les difficultés de l'armée russe. L'armée soviétique parvient en décembre 79 donc à renverser le régime de Ravitzula Amin, qu'on soupçonnait d'être un espion à la solde des Américains. On va évidemment pas raconter qu'il a été massacré, lui et sa famille, par un commando soviétique, la Noël 79. On va parler de l'installation d'un régime progressiste, de Babrak Karmal, et on va minimiser le rôle et les problèmes de l'armée soviétique rencontrés sur place, parce qu'une fois qu'un régime marionnette est installé, normalement l'armée soviétique aurait dû rentrer chez elle. C'était une opération militaire spéciale, pour utiliser une expression actuelle, n'est-ce pas, qui ne devait pas se prolonger. Or, elle va se prolonger, et comme de toute façon il n'y a aucun débat dans la société sur cette question, les informations qui filtrent sont vraiment réduites à leur strict minimum. Bien sûr, on va dépeindre la population afghane comme étant profondément reconnaissante aux soviétiques, de les avoir libérés de ce régime d'oppression, d'avoir stabilisé le pays. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi une guerre civile en Afghanistan, on l'oublie trop souvent, après la prise du pouvoir par les communistes en 78. Et de stabiliser le pays, mais voilà, on va pas du tout parler du succès de la résistance afghane, surtout à partir de 87, quand les Américains se mettent à leur livrer les fameux Stinger, les missiles solaires. Vous pourriez nous donner une idée du nombre de Russes qui vont combattre en Afghanistan ? Alors on sait qu'il y a eu 15 000 morts, sauf côté soviétique, pendant cette guerre, c'est le chiffre qui est donné le plus souvent. Il faut parler d'une guerre de 10 ans quand même, 79-89. Beaucoup de gens sont passés par là. On va parler d'Afghans, c'est une véritable génération de soviétiques qui sont passés par là, si vous voulez. Mais encore une fois, on en parle très peu au cours des années de glaciation soviétique à l'époque de Brejnev, Andropov, Tchernenko. Des rumeurs circulent sur les corps qui arrivent, etc. Mais on sait très très peu de choses sur cette guerre. Elle est largement contenue, on va dire, du côté soviétique, si vous voulez. En ce qui concerne les chiffres, il y avait quand même plus de 600 000 soviétiques, soldats, officiers et personnels de formation qui étaient présents sur place. On parle de autour de 15 000 morts et plus de 600 000 personnes qui ont été sur place pendant ces 10 ans. Oui, donc c'est une mobilisation massive. C'est une mobilisation assez massive. 600 000, c'est quand même pas mal du tout. Et ça n'a pas suffi, évidemment, pour contrôler le pays, pour mettre fin à la résistance afghane. Puisque c'est une défaite. Et à la fin, c'est une défaite qui ne dit pas son nom, mais on comprend bien ce qui se passe en 1989 quand les soviétiques rentrent chez eux. Ils ne sont pas accueillis en triomphalement. L'Afghanistan, c'est aussi ça, c'est que les Russes se cassent les dents contre un ennemi régulier qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Jean-Vincent Olyndre est politiste. Sa spécialité, c'est la stratégie. Donc c'est l'empire qui est défait par des acteurs irréguliers, lesquels acteurs soutenus par les États-Unis vont ensuite se retourner contre les États-Unis. Et les mêmes États-Unis qui vont en quelque sorte se retrouver bien des années plus tard défaits par ces acteurs qui avaient été soutenus par eux à la fin des années 70, pensant que leur opposition à la Russie valait un soutien définitif. Et donc, cette période qui s'ouvre en 1979, c'est aussi une période qui non seulement commence à caractériser ce qu'on appelle de manière peut-être un peu vive la désoccidentalisation, en fait. C'est-à-dire le fait que vous avez la montée en puissance d'acteurs qui n'appartiennent pas aux puissances occidentales, C'est aussi la période qui suit la guerre du Vietnam, dont il faut se rappeler qu'elle est un échec important pour les États-Unis. Donc on voit que depuis la fin des années 70, c'est la remise en cause des empires, l'empire soviétique, mais aussi d'une certaine manière un empire qui n'en est pas un véritablement, mais qui a une tentation d'empire, qui sont les États-Unis. C'est bien ce que vont critiquer les opinions publiques, après tout, principalement, cette nature guerrière de la guerre froide. Alexandre Riosbord. Hein, c'est bien ça qui provoque des oppositions, des critiques, des controverses dans les années 50, autour du mouvement pour la paix, dans les années 60 et 70, sur les campus universitaires, puis dans la rue. C'est bien la guerre du Vietnam qu'on critique. Hein, c'est bien avant ça la guerre d'Indochine qu'on avait critiquée en France. C'est bien la crise des missiles en Europe qui provoque un mouvement de protestation contre la guerre froide en Allemagne et à l'échelle européenne. Donc c'est bien la guerre qui est critiquée, c'est bien la guerre qui fait aussi, pour les opinions publiques, l'essence de la guerre froide, son danger et sa nature déraisonnable d'une certaine manière, puisqu'elle peut toujours aboutir, toile de fond, à la guerre nucléaire. Et puis, en tout cas, c'est ce que va retenir la mémoire collective, cette guerre froide, elle s'achève bien comme conséquence de faits guerriers. En tout cas, c'est ce que retient la mémoire collective. La mémoire collective retient quoi ? Elle retient que l'Union soviétique s'est effondrée d'épuisement dans le conflit afghan, qui est un conflit de guerre froide. Alors bien sûr, la guerre froide se termine pour d'autres raisons, d'autres choses sont engagées et une analyse de la guerre froide ne saurait se résoudre à ça. C'était La guerre froide dans nos têtes, épisode 7, avec Alexandre Riosbord, Andrei Kozovoy, Jean-Vincent Olyndre et Marjolaine Boutet. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.